sa ou lese ou pa konnen ka ou bay trouve an di fam ki mwen aime an di fam ki mwen kontan an di fam ki mwen teni les amis fèlè Agreement de one word de nuit, agreement de